le Métatron. Kevin Bouandé, c'est moi. Oh non, le papa, le papa. Paratex, paratex, colle-moi ça. Fonce encore, fonce encore, plus profond. Paratex, paratex, colle-moi ça. Le papa, le papa, eh. Moto ma promesse, maloba révélé à salarié. C'est la maïeutique socratique, l'art d'accoucher les esprits. Le papa, le papa, eh. Moto ma promesse, maloba révélé à salarié. Au parler ange, au faire change. Si fragile que j'étais, Nami Pesanayo. Accompagné souvent à Boukwa, Nzambe, Yangone, Confutition. Tout du monde, Janiston. Yaba Christo, Nzoto, Salakano, Frapper. Yamaloubaï. Le papa. Ministre d'État Ahmed Bakayoko. Tu as sali le temple de Dieu. Ma promesse n'est l'équi. Koutou Koyab américain. Oyoban Zala Kabaye Bassassin Yaboma John Kennedy. Le papa, le papa, eh. Le papa, le papa, eh. Moi, toi, ma promesse. Maloba révélé à salarié. Serge Fato, Claudicia. Manubanayo, le papa, le papa. Rufin Yamambelo. Souka Nicoleta Koutou Kanasi. Okrena yo ministère à l'impression. Kosumi yako defana poche l'okote. Sul Montagna. Paratex. Kangaye. Paratex. Ngumaye. Kolmasa. Chumaye. Marie Bobianga. Fosoko. Simian. Fosoko. Balouya. Plus profond. Bimba. Ah. Toujours bon et bon parler, le papa. Tu peux ma fille, on promet à Gabango va mariage. Yamalobae, le papa. Alors, quand je me soudiens, que vient d'Esperado. Le papa, bijou Sinal. Mota ma promesse, Malobae vélé à salarié. Soko yo ki moto azui, yo créanité. Ki fanfarona yo hele ki koutou ya saper. Oyo azui, elamba ya sika. Le papa. Paratex, ah. Paratex, colle-moi ça. Fonce encore, ouais. Fonce encore. Bouma. Plus profond, yeah. Le papa, le papa, eh. Théodorongue ma obiang. Mota ma promesse. Maloba et vélé à salarié. Bateki mo yibi baso mindoki busoba. Grand maître Bira. Mon compte le maître Tchou. A le côté de la 7ème chambre aux Zondungu. Homme d'arrêt tout terre, yoda so hey. Moto ya l'okuta à l'oba vérité pour Abela. Les boma, d'aime record. Timina, Timina, Timina, dia dia, Timine. Timina, relevé à la guide. Timina, dia dia, Timine. Combat dia toka di fogo, ke la bina. Eni Bira, mane, wanda, mi, tari, diande, l'oba, naba, dia, dado, mwana, monte, la machine, iba, tu, winda, ki, buana, yo. Allez tataraji, c'est naze, tataraji, ici bas, touriste les mamies, c'est naze, parce qu'on s'engende ici bas, hey, et ça pas tout et les qui mon nene. Et ça pointe sur naïette, y'a Nicolita et les qui mon nene. Et ça pointe sur naïette, à la daga 41, soli à moni 43 à la ti, et les qui mon nene, Olanga le mola et tata et naïette, tataraji, c'est naze, Nelly Ikemi ici bas, yaga, mon côté. Nganga qui se contemplant. Moutou, moutou, moutou, moutou. Okomema, okomema. Okomema, Congo la moutou. Atalaka na mbolo, atigaram diakeye. Okomema, Congo la moutou. Depuis Abana, Bondouba, Bongate. Okomema, Congo la moutou. Obaniga malala, ye alala kate. Okomema, Congo la moutou. Hermana sele, kona lele. Okomema, Congo la moutou. Oyandona sele, masala mbona leli. Okomema, Congo la moutou. Sois icône, Boris Miré. Asalaka na mbongo, asigaram diakeye. Okomema, Congo la moutou. Depuis Abana, Bondouba, Bongate. Okomema, Congo la moutou. Dieu j'espère Serge au bois. Et là, on est sur la thé, au Sil Sango.